Le moulin qui ne tourne plus. Le moulin de maître Humeau tournait si vite et si bien, de jour, de nuit, par tous les temps, que le monde s'en émerveillait et que le meunier s'enrichissait. Il était haut sur une colline, solidement assis, bâti d'abord en maçonnerie, d'où s'élevait une charpente. Oh, la belle charpente, mes enfants, et que celui qui l'avait faite dans les temps dont on ne parle plus devait être un bon ouvrier. Elle commençait par un pivot d'un seul morceau, d'où partaient plus de 30 poutres courbées portant la cage, les ailes, le toit et le meunier qu'on ne voyait pas. On avait abattu les arbres à plus de 100 mètres autour, et comme le pays était de plaine, très étendu et très ouvert, le moulin se voyait de toutes parts. La moindre brise qui traversait le rencontrait. Il n'en fallait, pour faire virer les ailes blanches, que ce qu'il en faut pour que les blés chatoient, pour qu'une tige de pissenlit perde ses graines. Un orage le rendait fou. Pendant l'hiver, quand soufflait le vent du nord, le meunier serrait toute la toile et ne laissait que le châssis en baguette de châtaignier qui suffisait à tourner la meule, et joliment, je vous assure. Par la fenêtre, quand il ne dormait pas, maître Humeau regardait les ânes monter au moulin, comptait les fermes où, le plus souvent, on lui devait quelque argent, et, si les moissons mûrissaient, se réjouissait de ce que le bien des autres allait lui rapporter de profits assurés. Un sac de blé, 2 sacs de farine, c'était sa devise et sa mesure. Il y gagnait encore assez pour être devenu, en peu d'années, le plus gros personnage du pays. Toute la semaine, il était meunier, blanc des pieds à la tête. Mais le dimanche, on l'eût pris pour un vrai seigneur, tant il avait de beaux habits, la mine fraîche et l'air content de vivre. « Maître Humeau, » disaient tous les gens, « Hé, mon bonhomme !» répondait-il. On ne lui en voulait pas. Il était honnête. À vieillir, malheureusement, un peu d'avarice lui vint. La richesse lui fit le cœur plus dur, et il se montra plus exigeant envers les débiteurs qui payaient mal, moins accueillant envers les pauvres qui n'avaient ni chevaux, ni charrettes, ni ânes, ni mulets, et portaient au moulin tout leur froment dans une poche. Un jour que sur la plaine, tout blonde de chaume, une brise fraîche s'était levée, qui faisait tourner à ravir les 4 ailes de toile, le meunier et sa fille, les bras croisés sur l'appui de la fenêtre, causaient de l'avenir, et, comme il arrive toujours, l'imaginaient plus beau que le présent. Cette fille était jolie, plus demoiselle que meunière, et, sans être méchante, avait pris l'habitude, par la faute de ses parents qui la gâtaient, de juger le monde du haut de son moulin, c'est-à-dire d'un peu trop haut. « Jeannette, disait le père, les affaires marchent bien. » « Tant mieux pour vous. » « Tant mieux aussi pour toi, Jeannette, car dans 2 ans, où je ne m'y connais pas, ta dot sera mise de côté. Le moulin vendu, et je crois que les bourgeois de la ville, même les plus gros, se disputeront à qui deviendra le gendre d'un rentier comme moi. » La fille souriait. « Oui, j'ai eu raison, reprenait-il, de refuser ces petites moutures qui donnent autant de mal que les grandes et qui ne rapportent rien. La clientèle des besogneux, je n'y tiens pas. Qu'ils aillent à d'autres, n'est-ce pas, fillette ?» La jeune meunière étendit le bras vers un chemin creux, ancienne route à peu près abandonnée, toute couverte de saules, qui s'ouvrait au bas de la butte du moulin, descendait jusqu'au plus profond de la vallée et, rencontrant un ruisseau, le suivait en se tordant comme un gros sillon vert jusqu'à l'extrême lointain où les lignes s'effacent. Par là venaient encore, au temps des récoltes, les charrettes chargées de foin, de blé ou d'avoine, et toute l'année, mais peu nombreux, les habitants des rares métairies perdues dans la partie humide de la plaine. Jeannette montra donc un point de la vieille route et dit « Voilà justement la veuve du Genfol qui monte. Elle a son fils avec elle. Que porte-t-il donc sur le dos? Un sac de grains, si je vois net. Une bonne cliente, la veuve du Genfol. » Elle se prit à rire si joliment que les ailes du moulin, qui tournaient pour moins que cela, se mirent à virer plus vite. Une glaneuse, une gueuse, répondit maître Humeau. Tu vas voir comme je la recevrai. » Il demeura les coudes appuyés sur le bord de la fenêtre et avança un peu sa tête enfarinée, tandis que la femme, péniblement, commençait à gravir le raidillon. Elle était toute courbée, la veuve du Guenfol, sous le poids d'une poche aux trois quarts pleine qu'elle portait sur le dos et retenait des deux mains par-dessus l'épaule gauche. Trois fois elle s'arrêta avant d'atteindre le sommet de la colline, et, quand elle jeta enfin son sac près de la porte du moulin, elle soupira de fatigue et de plaisir. « Ah ! » dit-elle en regardant son fils, « un petit de 5 ans tout frisé. Nous sommes au bout de nos peines, Jean du Guenfol. » Elle leva la tête. « Bonjour, maître Humeau et la compagnie. Voilà du joli blé que je vous apporte. Il n'y en a pas beaucoup, mais je le crois de bonne sorte. » « Vous pouvez le remporter, » fit le meunier. « Mon moulin ne tourne pas pour 4 boisseaux de froment. Il lui faut de plus grosses bouchées. »« Vous l'avez bien fait l'an passé. » »« Oui, seulement je ne le fais plus. Est-ce compris ?» C'était si bien compris que la veuve pleurait déjà en considérant sa poche de grain et la pochette du petit Jean, étalées côte à côte, appuyées l'une contre l'autre comme une poule grise et son poussin. Les remporter ? Était-ce possible ? Le meunier ne serait pas si cruel, il plaisantait. Et, faisant mine de s'en retourner, « Viens, dit-elle, Jean du Guenfol, maître Humeau va prendre ton sac et le mien, et nous rendra de la farine blanche. » Elle prit par la main son fils, qui regardait en l'air vers la lucarne du moulin et qui disait « Il ne veut pas, méchant meunier qui ne veut pas. » Mais à peine avait-elle descendu la moitié de la pente que l'homme, tout en colère, parut au seuil de la porte et, puisant dans le sac à pleine main, lança des poignées de froment contre ses pauvres. « Le voilà, votre grain. Revenez le chercher si vous ne voulez pas que tout y passe, mendiant que vous êtes, mauvais payeur. » Et les grains de la glane s'échappaient de ses lourdes mains. Ils roulaient sur la pente, il pleuvait sur la mère et le fils, et si grande était la force du meunier qu'il y eut toute une poignée qui vola jusqu'au sommet du moulin et retomba comme grêle sur le toit. Il entendit un craquement, et les ailes s'arrêtèrent nettes. Mais le meunier n'y prit point garde, car il remontait déjà par l'échelle intérieure, tandis que la veuve, toute désolée, relevait son sac à moitié vide. La belle Jeannette riait à la fenêtre. Un cotillon gris, une veste noire, s'est vite caché dans la campagne feuillue. En peu de minutes, maître Humeau et sa fille eurent perdu de vue les deux pauvres. Alors, ils cessèrent de rire et s'aperçurent que le moulin ne tournait plus. Les ailes remuaient du bout, frémissaient, pliaient un peu, comme si elles étaient impatientes de repartir, mais le pivot résistait au vent. Le moulin était arrêté. « Je vais lui donner de la toile, » dit le meunier, « c'est la brise qui aura faibli. » Et, d'un tour de manivelle, il déploya sur les traverses de bois toute la toile qu'il déployait dans les jours où le vent se traîne paresseusement dans les cieux calmes. La charpente entière fut ébranlée. Les murs du moulin tremblèrent et l'une des ailes se rompit sous la violente poussée de l'air. « Maudit mendiant !» s'écria maître Humeau. « Voilà ce que c'est que de les écouter. Il y aura eu quelques sautes de vent, bien sûr, pendant que je les renvoyais. » Les ouvriers, dès le lendemain, se mirent à réparer le moulin du meunier. Celui-ci les paya, tendit sa toile, comme à l'habitude, et écouta, de l'intérieur de son réduit, près de ses meules immobiles, attendant ce roulement d'en haut, cette plainte du bois qui, tous les matins, annonçait que les ailes commençaient à virer. Il dut bien vite replier sa toile, de peur d'un accident nouveau. Les poutres longues pliaient comme des cerceaux, et rien ne tournait. Ces ouvriers de village sont des ignorants et des gâcheurs d'ouvrage, dit le meunier. J'en ferai venir de la ville, et nous verrons. Il eut en effet des ouvriers de la ville qui démolirent le toit, remplacèrent les 4 ailes, l'engagèrent en de grosses dépenses, et, cependant, ne réussirent pas mieux que n'avaient fait les autres. Quand on voulut essayer leur machine nouvelle, le vent ne put la mettre en mouvement. Il siffla dans les traverses, tendit la toile, la creva même, et ce fut tout. Cependant, la clientèle s'en allait. Maître Humeau commençait à avoir des procès à cause des fournitures qu'il avait promises et qu'il ne livrait point. La dot de Jeannette ne s'enflait pas, bien au contraire. Le meunier et sa fille commencèrent à pleurer. « Je ne comprends rien à ce qui nous arrive, » dit Jeannette. « Mais je crois que ces gens du Guenefol y sont pour quelque chose. Nous les avons offensés, et peut-être qu'ils découvriraient la raison pour laquelle le moulin ne tourne plus. » S'il ne fallait qu'un beau cadeau pour leur faire lever le sort qui pèse sur nous, répondit le meunier, je n'y regarderai pas. Allez donc, et soyez très doux, mon père, car notre fortune dépend peut-être de ces pauvres. Maître Humeau obéissait toujours à sa fille, même quand elle n'avait pas raison. Mais en cette circonstance, il fit bien de l'écouter. Par les chemins, si verts qu'ils étaient noirs, le long du ruisseau, il se rendit au Guenefol. À mesure qu'il s'avançait vers le fond de la plaine, l'air devenait plus humide. Des grenouilles sautaient sur la mousse de la route abandonnée. Le parfum des plantes à larges feuilles, des foins jamais coupés, des roseaux qui entamaient la chaussée ou dentelaient le courant, dormaient au ras du sol. Et le meunier, habitué au sommet, respirait mal et se sentait d'autant mieux porté à la pitié. Sous les branches, à quelques pas de la rivière, et toute couverte de moisissures, il aperçut la maison du Guenefol. Herbes aux pieds, herbes pendant du toit, elle avait comme une chevelure que le vent mêlait ou démêlait. On n'entrait là qu'en se courbant. Maître Humeau n'y entra pas, car il découvrit en même temps un champ tout étroit qui montait en pente douce, un champ qui ressemblait à une plate-bande et où travaillait un enfant. Jean du Guenefol avait jeté sa veste sur le talus, et dans la mince bande de terre, il est bêché de toute sa force, et l'on voyait autour de lui tant de tiges défleuries de pavots, de menthe et de lavande surtout, que le nombre en était plus grand que celui des tuyaux de chaume. Voilà donc la mauvaise boisselée de terre d'où ils tirent leur vie, pensa le meunier, et c'est le petit qui les remue. Holà, Jean du Guenefol! L'enfant se retourna, reconnut Maître Humeau et rougit sans quitter le sillon où sa bêche venait de s'enfoncer. Mais, comme il était habitué à parler honnêtement à tout le monde, il demanda. « Que voulez-vous, Maître Humeau ?»« Mon moulin ne tourne plus depuis le jour où vous êtes venu, ta mère et toi, mon petit ami. »« Je n'y peux rien. »« Peut-être que si, peut-être que non. » Ma fille Jeannette s'est mise en tête que mon moulin, qui s'est arrêté en vous voyant de dos, pourrait bien repartir en vous voyant de face. Ma mère est morte de misère, répondit Jean de Guenefol. Depuis 15 jours, il n'y a plus que moi pour ensemencer notre champ, car ma grand-mère est toute vieille. Laissez-moi, Maître Humeau, je n'ai pas le temps de vous suivre. Il avait soulevé sa bêche et frappé la terre, qui s'éboulait en mottes velues. Les pavots tombaient. La menthe s'évanouissait en poussière, la lavande se brisait en fils bleus. Tu ne fais qu'enfouir de mauvaises graines dans ton champ, reprit le meunier. Écoute-moi, si tu m'accompagnes au moulin, et si tu découvres ce qu'il a, je te donnerai 5 sacs de farine, de quoi manger tout ton hiver. Je n'ai pas le temps. Tu en choisiras 10 au versoir de mes meules. Maître Humeau, je ne suis point ouvrier en moulin, et je ne sais pas ce qu'on vaut elle. Jean du Guenefol, je te ferai bâtir une maison neuve au bas de mon coteau, pour ta grand-mère et pour toi, et je t'abandonnerai un de mes champs grands comme 3 fois le vôtre. » Le petit laissa tomber la bêche et suivit l'homme. Quand ils furent devant le moulin, les ailes ne tournèrent pas toutes seules, comme l'avait cru Jeannette. Mais le petit monta par l'échelle, ayant derrière lui le meunier et sa fille, qui, n'ayant plus d'autre espoir, le suppliait, chacun à son tour. Regarde bien, Jean du Guenefol, désensorcelle notre moulin, regarde bien, regarde surtout. Le petit fureta dans les coins, parce qu'il prenait plaisir à visiter le moulin. Il voulut grimper jusqu'au pivot, et le meunier se courba, disant : Monte sur mes épaules, petit, sur ma tête, tu n'es pas lourd, vois-tu quelque chose du côté du pivot ? « Je ne vois rien, » dit Jean du Guenefol, « mais je sens l'odeur de notre blé. » À ce mot-là, Maître Humeau fut si troublé qu'il en faillit tomber à la renverse. il s'appuya au mur de bois de son moulin et dit « Jean du Guenfol, je te repromets. » Déjà, l'enfant avait passé sa main dans l'ouverture où l'arbre de pivot tournait si bien jadis, et, comme il avait la main fine, il tâta les bords de la fente, reconnut le grain de blé au toucher, le retira. Et aussitôt, les quatre ailes, poussées par le vent d'automne, virèrent en faisant chanter tout le bois de la charpente. Depuis lors, nuit et jour, le moulin n'arrête plus. C'est pour cela que l'on voit maintenant sur la pente une maison nouvelle, avec un champ qui est grenant, comme pas un, et qui n'a d'ombre au mois d'été que les quatre ailes du moulin.